Un jour j'ai troqué ma maison contre un gros portefeuille d'actions, conseillé par un banquier qui avait l'air plutôt avisé. Il me dit, faut pas vous inquiéter, on est des pros sur les marchés. Et quand il s'est mis à chanter, là j'aurais dû me méfier. C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Je me suis déconnecté, faut pas déprimer. On dit que le fric est garanti comme un produit chez Darty, et quand faudra le récupérer, un trader fou l'aura paumé. Moi je fais pas dans l'économie, le marché j'y vais pour acheter des produits labellisés par la sueur des heures travaillées. C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Je me suis déconnecté, faut pas déprimer. Tous les plus grands des ministères cherchent à camoufler ce mystère. Comment arrive-t-il à trouver autant d'argent pour éponger les délires schizophréniques de quelques courtiers en panique d'avoir réussi à planter toute une économie de marché? C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Je me suis déconnecté, faut pas déprimer. Et si l'heure sonne comme un appel au secours, il ne restera rien que leur beau discours. Sera-t-on vraiment si malheureux de devoir faire ses adieux à un système qui a montré qu'il provoquait des krachs boursiers? Faudrait songer à remplacer les têtes de cons au nez poudré, qui dans 10 ans recommenceront à jouer avec notre pognon. C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Je me suis déconnecté, faut pas déprimer. C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Je me suis déconnecté, faut pas déprimer, faut pas déprimer.